la voix de Sinatra qui se perd dans l'écho, la jupe de Madonna qui passe à la radio, un frisson d'Hollywood, la baie de Monaco et cette odeur de poudre, ces soirées casino quand les soleils d'automne vont se coucher dans l'eau, quand plus un téléphone n'a votre numéro. Les journaux sont féroces, mais ce n'est pas nouveau. Pour faire rêver les gosses, on en fait toujours trop. De mon dernier jour à yesterday, happy birthday. Happy birthday. Des amours compliqués comme un long scénario, et dans un verre brisé des rêves de mégalos. Comme on ne sait pas voler, on finit sur le dos et on vient vous demander, souriez pour la photo. De mon dernier jour à yesterday, happy birthday. Une île des Grenadines où il fait toujours beau, la robe de Marilyn sur une bouche de métro. Les routes sont magnifiques, direction San Diego. Pour que ce soit magique, on en fait